Chapitre 35. En ce moment même, il y a, tout auprès de moi, dans ces maisons qui font le cercle autour du palais et de la grève, et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leurs robes de bal pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants.